Le plan d'aujourd'hui est assemblage requis. Maxime Lemieux-Aramé nous présente ses découvertes musicales dans son blog Télécharge quoi? Et on s'entretient avec notre correspondant de Romainville-Loire, Alex Delage. Ouh, assemblage requis, tout de suite. Bienvenue à Assemblage Requis, l'édition du lundi. Je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, c'est Kiwan. Salut Mathieu, ça va bien? Salut, ça va bien, toi? Oui, très bien. Passé une belle petite fin de semaine, toi? Oui, toi? Oui, ben ça passe vite, ces petites affaires-là. Hein? Sauf pas que c'est comme... C'est trop vite. Oui, quand même. Dépendant des gens, il y en a qui vont dire, mais c'était tellement long parce qu'il y en a qui travaillaient en fin de semaine. J'ai plein, par exemple. Ouais. C'est triste, ça. À l'émission d'aujourd'hui, on va avoir Maxime Lemieux-Aramé qui va nous faire découvrir de la musique, je vous dirais. Il va nous parler, entre autres, du nouvel album de Carquois, aussi de Born Ruffian et de Holy Fuck. Il devrait nous parler un peu aussi de la programmation du Festival Oceaga qui était annoncée en fin de semaine ou récemment. En tout cas, on va en parler un peu avec lui, voir qu'est-ce qu'il en pense, s'il a hâte ou s'il est déçu, peut-être, la programmation du Oceaga 2010. Donc, on en parle avec lui. C'est dans quelques minutes, ça. Il s'en vient très bientôt. Et à l'opposé total de la nouveauté, on a les vieilles affaires des Boulamites d'Alexandre Delage. Oui, qui, à chaque deux semaines, nous fait une petite chronique téléphonique à partir des studios de Drummondville. Studio B, ici, de ces fous. Le studio X, je pense, à Drummondville. On a beaucoup, hein, des studios. Vraiment. Puis, c'est ça. Donc, il va nous sortir un vieux groupe qui a eu un succès unique il y a plusieurs années. Je crois que c'est Ultra Orange, entre autres, aujourd'hui. Donc, on va voir ça avec lui aux alentours de 4h15. One Hit Wonder! On aime ça, l'expression One Hit Wonder. Ouais, j'ai essayé de faire une traduction, mais c'est pas évident. Hein? C'est quoi, un succès unique? Mais unique, ça fait comme si c'était spectaculaire. C'est unique en son genre. C'est comme une vue imprenable. Ça se prend juste pas, ça. Trop une belle expression pour décrire ce genre de succès. Hein? Alors, on va commencer avec quelqu'un qui a eu du succès, mais pas beaucoup, hein, pas assez, parce que ça a vraiment pas duré longtemps sur le palmarès. Ça a quitté le palmarès de C'est fou, c'est Waving Hand. Ouais, mais là, t'as peur quand même. Là, c'est un groupe qui va avoir beaucoup de succès. Oui, j'en doute pas, mais sur le palmarès de C'est fou, ça a pas levé pantou, ça. Pantou. Mais t'as peur. Pas fini. On va remettre ça sur le palmarès, ça? Je suis sûr que oui. Tu vas influencer notre Manitou. On va voir si on a du pouvoir. C'est gratter la barbe. on écoute The Man Living on the City Landfill Site de Waving Hand. Ça se passe maintenant. À Assemblage Requis, 89.1 FM. I'm The Go Team et Grip Like a Vice, un vieux succès du palmarès de C'est Fou, hein? Oui. Succès entre guillemets. Pourquoi entre guillemets? Ben, succès pour nous. Ah, OK. Des fois, ça a l'air, tu sais, comme si c'était vraiment genre classique, là, mais c'est un classique qu'on aime bien, nous, ici. Donc, tu n'utilises pas les mêmes expressions que d'habitude pour t'exprimer. Est-ce que tu voulais que je dise un classic gold hit? Étoile de C'est Fou. Ouais. De C'est Fou. Je m'attendais à ça. Ouais. Quelqu'un que je trouve qui mérite des petites étoiles, comme pour dire, ouais, tu sais, c'est bon, mais des fois, c'est pas si bon, là, des fois. C'est Maxime. Incapable de juste faire un compliment à Maxime, Mathieu. Non, mais c'est parce que ça, on se renvoie la balle de non-compliments ou de faux compliments ou de, tu sais. Ben, moi, je t'ai toujours fait des vrais compliments. Bon, c'est moi qui ai l'air d'un, ouais. On l'apprécie tous beaucoup, évidemment. C'est Maxime le Muller-Amé qui vient d'arriver en studio avec nous. En direct. Ouais. En direct. En direct de nos studios. Ouais. Ouais. Pour la chronique qui a télécharge quoi? Ouais, tout à fait, sur tes découvertes musicales de la semaine, quoi. Ouais. Et puis aujourd'hui, c'est ça, grosse nouvelle. Première. Comment on pourrait dire ça en bon français? Diffusion. Annonce. Ouais, annonce des premiers noms qui vont être présents à Oceaga. Et puis, ben moi, personnellement, ben vas-y, Kiwan en premier. Là. Toi, t'as vu en partie qu'est-ce qu'il y avait comme nom. Bon, je peux peut-être les nommer rapidement. Mm-hmm. Les gros noms, c'est Arcade Fire, Weezer, Pavement, Metric, The National. Bon, il y a aussi Cat Empire, Keane, The Black Keys, Stars. Puis d'autres choses que je connais, moi, il y a Jamie Little, Bahamas. Puis il y a aussi Beach House. Mais il y a aussi, c'est ça, Ariane Moffat puis Ian Kelly. Est-ce qu'on entendait bien ce que je disais? Parce que je disais. Ian Kelly, Ariane Moffat. Ouais, ouais. C'est juste ça que t'as retenu. Non, mais c'est très bien. C'est très génial. Ben, moi, en tout cas, là-dedans, il y a beaucoup de choses que je connais pas. Donc, il va falloir que je découvre un peu, là, que j'aille écouter sur MySpace pour voir quel genre d'horreur je vais me faire pendant cette fin de semaine-là. Mais sinon, Arcade Fire, ça fait longtemps qu'on avait tous hâte qu'ils sortent de leur cachette, puis qu'ils vont sûrement avoir du nouveau matériel, j'imagine, s'ils commencent à ressortir comme ça. Il va avoir un album au mois de mai. Album au mois de mai. Ce festival-là est au mois d'août, alors on va avoir le temps d'apprécier leur album. Ben moi, c'est ça. Moi aussi, je suis super... tu sais, dans le fond, quand on regarde ça, en gros, c'est super intéressant. Le Arcade Fire, Matrix, The National. Moi, je connais pas Pavement. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît ça ici? Pas vraiment. Je sais que... Je connais des gens qui connaissent ça. Ah ouais? Non, mais des bons amateurs de musique qui aiment ça. Mais moi, je connais pas. Weezer. Ouais, c'était bon en 98. Mais depuis, moi, j'ai pas trop embarqué. Après ça, c'est sûr que Beach House, ça va être intéressant, mais je comprends pas Ariane Moffat puis Ian Kelly, ça, je comprends pas. J'imagine qu'il faut attirer du monde par des façons quelconques. C'est ça, ben dans le fond, c'est un peu ça que je trouve plate. Là, au début, c'était vraiment un festival de musique, puis c'était l'art qui passait en premier, puis là, on dirait que c'est plus justement attirer les... Ouais, mais en même temps, Ariane Moffat, je veux dire, c'est pas de la musique tant commerciale que ça. Ça donne que ça pogne. Mais c'est pas de la musique qui est faite pour pogner, sincèrement. Moi, je suis d'accord aussi. Là. Ariane Moffat, moi non plus, je n'irai pas la voir, là, puis j'achèterai pas un album. Sauf que je pense que c'est quand même bien fait. Ouais. C'est quand même à quelque part un peu dans l'esprit d'Oceaga. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, si on regarde le public qui l'attire, c'est sûr que peut-être que ça ne fit pas là, avec le public qui va être à Oceaga. Mais en tout cas, il y a tout le temps, de toute façon, là, une partie québécoise francophone. Ouais. Donc, c'est pas évident non plus. Là. Surtout, il me semble, dans la dernière année, il n'y a pas grand-chose côté francophone québécois qui est sorti normalement. Sauf que c'est, j'imagine aussi qu'elle doit sortir un nouvel album prochainement si elle fait partie du line-up. Je sais pas ça, je m'excuse. Ariane Moffat, ouais, c'est pas dans mon style. Ouais. C'est pas notre créneau. Mais c'est quand même mieux au moins d'avoir un petit peu d'Ariane Moffat qu'un festival qui marche pas du tout puis qui doit fermer puis qu'il n'y en aurait plus de chez Aga, peut-être, non? Ben, je suis pas sûr. En tout cas, je sais pas. Là. Il doit y avoir une raison pourquoi Ariane Moffat et Ian Kelly sont là. Moi, je la vois pas. Mais, tu sais, j'ai remarqué l'année passée, puis Kiwan, toi aussi, t'en étais témoin, tu sais, il y avait Coldplay dans les gros noms. Ouais, c'est ça. Puis, qu'est-ce qui arrive, c'est que... Puis, tu sais, c'est correct. Il y a plus de monde, il y a plus de gens. C'est super. C'est juste qu'ils passent la journée là. Ils vont se mettre en avant du stage où Coldplay va jouer dans... 4, 5, 6 heures. Fait que là, nous autres, on peut pas voir les autres performances qu'il va avoir sur ce stage-là. Le monde, ils s'en foutent, eux autres. Les fans de Coldplay, ils s'en foutent. Ils sont là pour... C'est ça, ils sont là. Eux, ils payent le prix de la journée. Puis tu sais, c'est correct. Là. Ouais. Moi, j'ai rien contre eux. Je dis pas qu'ils devraient enlever les gros noms pour ça. Mais je trouve juste ça plate, justement, parce que il monopolise une scène, ou bien, ben là, tu sais, puis l'année passée, quand on s'était croisés, hein, il y avait du monde là, qui se promenait de scène en scène, puis je suis allé voir Parler dans la petite scène, puis une des petites scènes, puis c'était plein, c'était complet, puis je me suis dit, je suis sûr que si Coldplay était pas là aujourd'hui, mm-hmm. il y aurait pas autant de monde qui viendrait voir Parler, tu sais. Ouais. Mais c'est correct pour Parler aussi. Bon, mais sûrement que les fans de Coldplay qui vont aller voir Parler, ils vont dire, il me semble c'est pas mon genre de musique, qu'est-ce que je fais ici? Ou peut-être qu'ils vont les découvrir aussi, là, tu sais. Ouais, ça dépend. Ouais. Mais c'est ça que moi que je trouve bien aussi en même temps, c'est qu'étant donné qu'il y a plusieurs scènes qui sont vraiment éloignées, ben, il y a toujours plusieurs spectacles en même temps. Ça permet d'avoir vraiment plusieurs styles puis de rejoindre vraiment tout le monde. Parce que pour justement, c'est important d'attirer le maximum de personnes s'ils veulent avoir le maximum de groupes qui sont là, puis des infrastructures plus grosses, puis ça prend quand même de l'argent qui rentre aussi. Donc, il faut qu'il attire aussi le grand public, un public le plus large possible. Comme au festival, comme partout ailleurs. Ouais, c'est correct que la programmation soit le plus variée possible pour attirer le plus de monde possible. Oui, non, je suis d'accord. Moi, c'est juste qu'au début, quand je voyais, quand j'allais à Oshaga, je voyais que c'était un peu la suite des grands festivals de l'été. Lollapalooza, Coachella, il y en a d'autres aussi en Europe. Mais c'est juste que j'ai l'impression que c'est un peu que Oshaga ramasse un peu les restants de tous ces festivals-là. T'as tendance à vouloir dire festivals, hein? Fait, ouais, je sais pas pourquoi. C'est moi. En plus, à cause de Festivois, je pense tout le temps. Non, c'est pas grave. Mais c'est ça, tu sais, cette année à quoi? Coachella. Ouais. C'est au mois d'avril, dans le fond, dans moins d'un mois. Il y a des gros noms, là, tu sais. C'est. Jay-Z, LCD Sound System, Dan Crook, Vultures, qu'on connaît ici, Vampire Weekend, Passion Pit, Grizzly Bear. Puis là, je parle juste du vendredi, là, on pourrait continuer. Mais aussi, tu vois pour Coachella aussi, la programmation est quand même très variée. Là, ça va vraiment dans tous les publics, dans tous les types de publics. Dem Crooked Vultures, Jay-Z, MGMT, c'est trois publics complètement différents. Là. Ouais, c'est vrai. Ouais. C'est vrai, c'est juste que c'est peut-être aussi c'est peut-être par rapport à moi. Je ne tripe pas sur Ian Kelly puis je ne tripe pas sur Ariane Moffat. Fait que je comprends pas qu'est-ce qu'ils font dans un festival où il y a Arcade Fire puis The National. Mais c'est ça, c'est pareil, là, Jay-Z, t'irais pas voir Jay-Z nécessairement. Ben, j'irais peut-être le voir. Moi, j'ai écouté un peu de rap quand j'étais au secondaire. Okay. Je vous l'avais jamais dit, hein, mais j'aime quand même un peu ça, le rap. J'aime mieux le rap que Ian Kelly. Ouais, c'est ça, j'allais dire, t'écoutais peut-être du Ariane Moffat aussi quand t'étais jeune. Il y en a qui écoutaient ça. Ouais, maintenant, ils sont rendus alternatifs. Ah, peut-être. Ça peut arriver. En tout cas, c'était une belle discussion. Il faut les avoir, ces discussions-là. Hein. C'est important. C'est important dans la vie. C'est super important. L'important, c'est qu'on se parle. L'important, c'est de jouer, pas de gagner. OK. Alors, est-ce que je présente mes trois artistes qui n'ont aucun rapport avec Oshaga? Oui, t'as amené des bonnes choses aujourd'hui, hein, comme toujours. Ouais, c'est ça, t'as failli dire. Contrairement à la semaine dernière. Pour une fois. Ouais, ben c'est ça, dans le fond, j'ai peut-être fouillé un peu plus. Oui, t'as fait des recherches, t'as travaillé fort, cette chronique. Ben, des fois aussi, ça me tombe tout cru dans le bec, là. Mais en tout cas, aujourd'hui, je voulais parler de Holy Fuck. Oui, on aime ça pouvoir dire ça. Ouais, on aime ça pouvoir le dire. Alors, c'est un groupe torontois très électro, mais quand même instrumental. Hein. Ça chante pas dessus. Ouais, c'est ça. Il y a pas de paroles. Sauf qu'il faut dire que c'est pas juste du laptop, là. Il y a un bassiste. Ça a l'air super péjoratif, par exemple, de la façon que tu l'as dit. Non, mais j'aime ça, moi, des trucs très électro, mais c'est juste que c'est plus agréable en performance de voir un vrai drummer, puis un vrai bassiste, puis un vrai claviériste. Alors, Holy Fuck, leur troisième album, déjà, troisième album long. Toi, t'écoutes ça, Kenny versus Penny? Oui, j'adore ça! Ouais, je me suis tapé des saisons complètes, Kenny versus Penny. Ben, c'est au Québec, les gens connaissent ça sous le nom de... Frank et Girard. C'est très, très bon. C'est quand même bon aussi en français. Oui, surprenamment. Moi, je trouve ça très drôle. Ouais. Il y a une version, je me rappelle plus c'est dans quel pays, ça me sort de la tête. Mais il y a eu plusieurs adaptations de ça dans différents pays. Mais est-ce que Kenny versus Penny, c'est le premier? Canadien. C'est le premier? C'est le premier, oui. Ah, okay. Ça vient d'ici, du Canada. En tout cas, puis ça joue... un poste canadien anglophone. OK. Je crois. Mais en tout cas, c'est ça. Souvent, en fait, si je fais une parenthèse, c'est parce que souvent, on entend des extraits de Holy Fuck pendant l'émission. Ah! Ah! Mm-hmm. Alors, le troisième album va s'appeler Latin. Latin, sûrement, en anglais? J'imagine. Et en latin? Je sais pas. C'est ça. Ça doit finir en U. Ça doit être Latéus ou quelque chose du genre. Ouais. Fait que c'est ça. Le troisième album va sortir le 11 mai. 11 mai. C'est dans deux mois. Mm-hmm. C'est bientôt le mois de mai. faire attention. Et puis, la pièce il, qu'on va... Il sournois le mois de mai, là. Ouais, il arrive comme ça. Comme on dit, tu sais, mois de mai, enlève les doigts de ton nez, là. T'sais. Et puis, la pièce qu'on va écouter, c'est Latin America. Fait que... Holy fuck! Watch ton language, là. Wow! Insanité de même, insalubrité. On va se faire fermer. C'était « Holy fuck », la pièce « Latin America ». C'est pas ouais. La façon que tu le dis. Hein. C'est ça, ça va paraître sur le prochain album, le troisième album de Holy Fuck, Latin, le 11 mai. J'ai arrêté de le dire. 11 mai. On n'a pas comme un effet sonore, genre de claque ses fesses pendant que tu dis ça. Faut que tu limites, sors-toi. Holy Fuck. Wouhpa! Wouhpa! Ouais. Mais comment c'est qu'on entend mon outro? Mon Parce que j'aurais pu la partir plus loin, mais là je voulais que ça qu'il y ait comme pas trop de silence longtemps. Puis, ah, super. J'ai parti comme ça. Je pensais qu'il fallait que je m'en aille, c'est tout. Non. Ok. Ah, deuxième artiste qui a. Fait toute l'illusion radiophonique, là, ici. Alors, deuxième artiste que je veux faire découvrir ou faire entendre, en tout cas. Born Ruffians. Ben, c'est une découverte. Non, mais moi, je connais pas ça. Ok, ouais. Non, vous connaissez pas ça. J'ai entendu le nom. Il me semble que tu n'as jamais fait jouer ici. Non, jamais. Non, eh bien. Non, je parlais que tu le ferais à un moment donné, je pense. Non, jamais. J'aime vraiment pas ça, en fait. Mais moi, je les ai découverts en même temps que Tokyo Police Club, okay. Que vous connaissez peut-être. Uh-huh. Ils ont tourné ensemble pas mal aussi, je dirais, il y a peut-être 2 ans. Puis c'est à ce moment-là que je les ai connus, les deux. Par des démos qu'ils ont fait, mais j'ai écouté pas mal sur MySpace. Je ne me suis pas procuré les démos. Sauf que là, le deuxième album long de Born Ruffian sort le 1er juin. Quand même dans un petit bout. 1er juin, comme disent les Français. Juin? Juin. Alors, band de Toronto. Ils ne sont pas originaires de Toronto, là, mais des environs. Et maintenant, ils se sont dirigés vers la grande ville torontoise. Alors, c'est ça, il y a un single disponible sur MySpace qui s'intitule Soul Brother, puis c'est ça qu'on va aller écouter. Ah, oh, ouais! Soul Brother de Born Ruffians. Cool. C'est très indie rock. La voix du chanteur est très accrocheuse. Mm-hmm. Sais-tu ce que ça veut dire, Born Ruffians? Ben non, pas tout. J'ai aucune idée, je te demandais. On va chercher, ouais. Ruffians. Ça me pense à des chips assaisonnés Ruffles. Your grandfather, he's 77 and you're 11, so please. Soul Brother du groupe torontois Born Ruffians. Ruffians. Finalement, c'est pas beau. C'est pas beau, Ruffians. Non, hein? On peut pas le dire. Non, on peut dire Holy Fuck, par exemple. Non, mais on peut le dire là, que c'est des vilains, des méchants, des pas bons, des cruels. Des... Ça fait pas avec le son du groupe, je trouve. Hein? Ouais, mais c'est une pièce quand même douce. Mm. Je les connais un peu, puis d'habitude, ça peut varger un peu plus. Ah, alors, okay. Leur deuxième album long, Say It, va paraître le 1er juin. C'est un peu plus doux comme mettons, les ordinaires. Là, parce qu'assaisonné, ça bûche. Je suis encore sur mes raffles. OK. Et on vient après la pause. Rassemblage qui pour toi aujourd'hui. Vous écoutez Assemblage Requis jusqu'à 17h. Toujours à l'émission Assemblage Requis en compagnie de Kiwan Mathieu et Maxime Lemieux-Laramé qui est avec nous pour sa chronique Télécharge quoi. Et on est rendu à Carquois, c'est ça? Ouais, dernier artiste que je fais découvrir aujourd'hui. Ben, découvrir, c'est un instant. C'est pas le mot juste. Il a joué dans plusieurs émissions assez fous depuis quelques jours, mettons. Ouais, surtout la pièce qu'on va faire jouer. Mais en fait, aujourd'hui, je parlais de Carquois, mais surtout parce que je les ai vus hier à Studio 12. Et puis, on en parlait, Kiwan, la semaine dernière. Studio 12, ça commence à être plus intéressant hein, qu'au début. La semaine dernière, il y avait Marat Tremblay avec Malajub. Malajub qui a joué la pièce... Le printemps des amants, puis c'est vraiment... C'était une très bonne pièce. Ouais. Puis j'ai beaucoup aimé aussi Fanny Bloom qui a fait Le bateau avec Marat Tremblay. Là. C'était très bon. Puis là, cette semaine, Carquois est accompagné de Martin Léon, mais surtout de Elizabeth Powell, la chanteuse de Land of Talk. Vous connaissez ça, hein, Land of Talk? On a ça. Juste de nom, étrangement, il me semble qu'on n'a pas joué tant que ça. Non, Land of Talk. Une fois de temps en temps. Je pense que ça a déjà été sur le palmarès, Land of Talk. Non. Non, j'exagère. Hein, ouais, emporte-toi pas, là. Calme-toi. Je trouve que tu vas trop loin. Ah, c'est ça. Alors, ils ont fait découvrir, je pense, 4-5 pièces du prochain album, Les Chemins de Verre, qui va paraître. Mais Verre étant V-E-R-R-E-E. Ouais. Okay. C'est ça. Et puis, cet album-là, il va être en magasin la semaine prochaine, 30 mars, la semaine prochaine, mardi. Ouais. Alors, c'est ça, Carquois. Aussi. Non, vas-y. Ouais, ben en fait, je voulais parler maintenant des concerts à emporter. OK, ouais. Alors, vous pouvez aller sur la blogothèque.net. C'est super intéressant. Ouais. C'est un Français, Vincent Moon, un réalisateur qui fait des concerts à emporter. Alors, des petites performances... C'est comme assez court, là, tout ça. Ouais, c'est pas, ça. Pas super court, mais quand même. Souvent, une ou deux pièces d'artistes quand même assez connus. Et puis, Carquois, en fait, ça fait quand même longtemps, en fait, une des pièces, « Marie, tu pleures pour rien ». Et c'est super cool. Là. C'est, dans le fond, tu vois vraiment un peu plus le talent des artistes. Là, ouais. Parce que c'est souvent acoustique. Puis, dans des environnements qui n'ont pas vraiment rapport avec le groupe. Ouais. Il n'y a pas Malajub dans le métro? Ouais, Malajub dans le métro parisien. Ouais. Ils ont même joué, je pense qu'ils ont joué trois pièces Malajub, dont une dans le métro. Mais ouais, c'est vraiment, vraiment bon. Alors, la blogothèque.net. Pour l'instant, on va aller écouter la pièce titre du prochain album, Les Chemins de Verre de Carquois. Tout de suite, Les Chemins de Verre. Ah! Les Chemins de Verre de Carquois. Prochain album qui s'appelle aussi Les Chemins de Verre. Disponible le 30 mars. Puis on parlait tantôt, c'est un peu, c'est différent la façon dont ils ont commencé à diffuser les nouvelles pièces. Et, ils sont allés la semaine dernière pour le showcase qu'il y avait avec Radio 3. CBC Radio 3. Ouais, c'est ça, la radio de Radio-Canada anglophone. Puis c'est un autre artiste qui a repris leurs pièces du nouvel album, les nouvelles pièces, qui les a reprises en anglais. Tu as pris des vieilles pièces, ok, je comprends. Puis là, à Studio 12, hier, on fait des pièces en duo, si on peut dire, là, avec Martin Léon, entre autres. Ouais. Donc, c'est pas conventionnel, mettons, comme façon de présenter pour la première fois les nouvelles pièces, mais j'aime ça quand même. Ouais, c'est intéressant. Ouais. Ça fait changement. Moi, j'y vais, les garçons. Jeune garçon. Déjà? Ouais, à la semaine prochaine. T'es pas plus jeune que nous, toi, il me semble, non? Ouais, je suis plus... je suis plus jeune. Ouais, c'est ça. Ouais. Moi, surtout qu'il Le 34, c'est ça. T'avais dit 36. Excuse, je me suis trompé. Faut compter les années des fois à partir de la date de naissance jusqu'à maintenant. Donc, merci Maxime. On te retrouve lundi prochain. Oui, au revoir. Bye. Bye. Oui, il me complimente pas. Il me dit pas merci quand je la mets finalement à la fin de sa chronique. Ah, merci Mathieu, t'es tellement beau aussi. Merci. Mes favoris commencent à pousser, hein. Ouais. C'est bon. Ouais. C'est bon signe. Ouais. C'est ce que je me disais. Je savais que t'aimais ça entendre parler de favoris, toi. C'est ton sujet favori. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire? Rien. On continue la discussion sur la puberté de Mathieu après. La pièce de Yes Air qu'on écoute tout de suite, Embling Alp. Promets pas des affaires qu'on peut pas faire parce qu'il sera plus là, tu sais. Ça va être juste toi puis moi. De toute façon, il n'y a rien à dire sur ta puberté. Non? Sur ma pilosité? C'est toujours un bon mot, pilosité, je trouve, ça. Mm-hmm. Hey, vous êtes à Assemblage Requis, juste au cas que ça fait comme 20 minutes qu'on l'a pas dit, ça. Your head and wear your wounds with pride. You must stick up for yourself. tide. On both sides, it's only you decide. You'll have complete control of your whole life. Alex Nevsky, qu'on vient d'entendre avec la pièce « Mille raisons », la pièce moitié franco, moitié anglo, mais quand même le titre est francophone. Et j'imagine que la majorité de l'œuvre d'Alex Nevsky est en français, parce qu'il fait partie du concours des Francouvertes. C'est ce soir donc qu'il va passer avec ou contre, c'est selon, Bugeaud et les micros armés. Donc c'est la dernière ronde des préliminaires pour les Francouvertes. Donc après ça, on va tomber en demi-finale. Donc c'est ceci, un des trois groupes de ce soir qui se classe parmi les neuf premiers va être en demi-finale. Sinon, la première position du palmarès provisoire pour la demi-finale. Est dominé par Bernard Adamus, qui est en première position. On trouve aussi Mono Grenade en troisième, Philemon Chante en sixième, Jésus les Fées en neuvième. Je prie comme les plus connus ou mes préférés, en fait. Ouais. J'espère vraiment que Jésus les Fées va rester, va faire partie de la demi-finale, qui sont en neuvième position présentement. Donc, ça va être dur pour eux de faire partie de la demi-finale. Il faudrait qu'aucun des groupes de ce soir soit meilleur qu'eux. Donc, ça va être assez dur pour eux de passer. Mais j'aime bien ça. Jésus les Fées, il était en spectacle vendredi dernier, ici à Trois-Rivières, dans le cadre des Feux de forêt dans le désert. Série de spectacles qui a lieu à l'Appart, qui est tous les troisièmes vendredis du mois. C'est la cinquième édition. C'est la première fois que j'avais la chance d'y aller. En fait, j'ai manqué la moitié, là, parce que le vendredi, c'est dur pour moi. Ballon-ballet oblige. Exactement. Mais plus maintenant. C'est fini. Non, c'est ça. À l'avenir, je vais pouvoir aller voir tous les spectacles de la série Feux de forêt dans le désert. Mais j'ai quand même eu la chance de pogner Jésus les Fées. Vraiment un très bon spectacle. Mais aussi, il y avait Short Pants Romance juste avant. Ah! Que je connaissais pas vraiment. Qui a un son qui est pas très accessible, qui est un peu punk dans l'âme, mais en même temps ça sonne pas punk là, mais c'est vraiment juste dans l'esprit là, vraiment c'est une attitude punk pour ce groupe là, qui fait un genre de rock trash assez déconstruit qui me rappelait un peu Porno Robot, même un peu moins électro, peut-être un peu du Pedro ou ce genre là, vraiment des affaires assez trash, vraiment pas très bien finies. Mais en spectacle, c'est vraiment bon. J'ai beaucoup aimé Short Pants Romance, même si c'était vraiment trash puis que c'est pas hyper mélodique comme spectacle. Moins que Jésus les Filles. Mais justement, Jésus les Filles, dont la musique est plus, un peu plus mélodique, même si le son est quand même un peu garage, là, c'est quand même plus mélodique. Mais en spectacle, j'ai moins un peu aimé que Short Pants Romance parce que justement, le son qui est un peu, toujours un peu distorsionné était tellement dense pendant le spectacle qu'on distinguait vraiment mal les mélodies. Donc, en CD, c'est sûr que j'aurais préféré Jésus les Filles. Et j'adore, en fait, Jésus les Filles. On va entendre d'ailleurs une pièce tout de suite de ce groupe-là qui s'appelle Mercredi. Mercredi. Mercredi. Exactement. Et donc, c'est ça. Voilà, c'était un très bon spectacle vendredi dernier. Même si j'ai pas pu l'écouter au complet, mais j'ai été surpris, en fait, de voir tout l'intérêt, premièrement, qu'il y avait pour les Feux de forêt dans le désert. Il y avait quand même pas mal de monde. Ah oui. Puis surtout que c'était quand même des groupes qui ont des sons assez particuliers, qui sont assez marginaux, en fait, dans leur style. Puis j'ai trouvé ça vraiment intéressant de voir que ça attirait quand même beaucoup de gens, qu'il y avait quand même de l'espace pour cette scène-là, pour ce type de culture-là, ici à Trois-Rivières. Je trouvais ça vraiment très, très encourageant. Fait que t'as dit chamois! Vraiment, hein? Ouais. C'est comme une blague de tissu, t'as compris-tu? Franc-couverte, chamois, tissu, c'est... Couverte, tissu, hein, pas pire, hein? Non, tu peux laver des affaires avec... Chamois! Hein? Non? Pas de commentaire. OK. De ton assemblage requis, au 89 FM. Écoute, Jésus les Filles, mercredi. Mercredi. Mercredi de Jésus les filles sont en train d'enregistrer leur premier album et puis ça va sortir ça le 14 juin prochain. Ça va être le lancement en fait va avoir lieu le 14 juin prochain à Montréal. Donc j'ai bien hâte d'entendre cet album là au complet. Sham wow! Franc-couverte. Oui, Franc-couverte. C'est une joke de tissu, Colin, là, voyons. Ouais, parce que je suis pas un expert en tissu, tu vois, en couture non plus, mais je suis quand même pas prêt, je fais mes barres de pantalon moi-même. Ah oui, on en parlera une autre fois. C'est la fin de la première heure à Assemblage Requis. Oui, il y en a une deuxième tantôt. On va avoir notre correspondant de Romain Villois, Alexandre Delage, qui va nous sortir quelques vieilles affaires, les bolamites. Dans quelques minutes, ça. Restez avec nous! Bon retour, bienvenue dans la deuxième heure d'Assemblage Requis en compagnie de Kiwan et Mathieu. Oui, mission chargée comme toujours, hein? Oui, ça passe vite, hein? On a déjà une heure de passer, il me semble qu'on vient de commencer. Ça passe là, comme de l'eau sur le dos d'un canard, ça, je dirais. Au moins autant que ça. Ouais. En tout cas, dans quelques minutes, on va recevoir par téléphone notre correspondant Romain Villois, comme on aime bien l'appeler, Alex Delage, qui va nous sortir quelques vieux tubes des Boulamites. Mais pour tout de suite, on écoute un extrait du palmarès francophone, Monogrenade avec la pièce ce soir. Vous êtes au 89 FM, c'est la radio Campus de Trois-Rivières, la radio Canard. C'est comme une affaire environnementale, faudrait quelque chose avec un canard dans le logo. Non? Une crevette. Ouais, une crevette blanche. I'm Galactic et Boom Money à Assemblage Rocky. Oui, toujours à l'émission Assemble. Ben ouais, c'est ça, là. Soit un petit peu plus d'entrain pour Galactic, c'est tellement bon. Ouais, ben oui, je trouve que c'est bon, mais c'est pas non plus mon groupe préféré. Non, ok, ben moi je trouve que c'est très très très très bon, moi. Mais c'est parfait, c'est dans le palmarès en plus anglophone. Donc, ça tombe bien, hein? Vous êtes toujours à l'émission Assemblage Rocky en compagnie de Kiwan et Mathieu, et c'est maintenant le moment, comme un lundi sur deux, où on accueille Alexandre Delage en direct de Drummondville qui nous ressort quelques tubes des Boulamites. Salut Alex. Salut les gars, ça va bien? Oui, ça va très bien, et toi? Ben oui. Hey, avant que tu commences, je voulais juste te dire que ta dernière chronique de là, deux semaines a quand même marqué quelques personnes qui ont entendu du mauvais quart d'heure puis qui ont eu le goût d'en réécouter. Ça a rappelé certains souvenirs, ça, du monde ici assez fou qui ont apprécié d'entendre ça. Donc, je voulais passer le commentaire. Ah, merci. Donc, qu'est-ce que tu nous as trouvé cette semaine? Ben, cette semaine, dans le fond, j'ai une demande d'une auditrice qui est allée me chercher une très grosse boulamite. Fait que j'ai une demi-boulamite pour aller avec ça. Une demi plus une grosse. Ouais, j'ai une boulamite de Robin. J'ai mis un petit extrait. J'aimerais ça qu'on écoute l'extrait. Allons-y. Oh oui. Ça me rappelle des choses, ça. Baby, show me what it's all about. You're the one that I ever needed. Show me love and what it's all about. Ah oui. Bon. Tellement bon. Tout le monde se souvient de ça? Ouais, je suis de la tête. Ouais. Oui. Fait que là, bon, tout le monde va l'avoir dans la tête le reste de la semaine. Tu sais, Robin, dans le fond, elle a connu du succès ici, là, en 97, avec cette pièce-là. Mais Robin, c'est une Suédoise, et puis elle n'est pas tout à fait dans les boulamites dans son pays. Elle existe encore, elle fait carrière là-bas encore. Ah, elle fait encore carrière, elle a même eu un numéro 1 en Angleterre en 2017 avec la toune With Every Heartbeat. Et puis moi, j'ai été surpris de la voir, dans le fond, moi je pensais qu'elle était complètement disparue, sur le dernier album de Roig Soap, qui est un band norvégien qui fait de l'électro-clash. Très bon, ça. C'est très, très bon, cet album-là. L'album Junior, ça, sorti en 2009. Ils ont un paquet de chanteuses invitées là-dessus, là, comme Like Ali ou bien Karen Dredger Anderson, connue sous le nom aussi de Fever Ray. Mm-hmm. Et puis Robin chante une pièce sur cet album-là. Fait que pour vous épargner une vieille pièce qui est de Robin, ben on va entendre une pièce du dernier album de Roig Soap à la place. Où est-ce que Robin chante dessus? Okay. C'est pour ça, c'est une demi-boulamite. Parfait, puis ça c'est bon pour la demi-boulamite. Et tantôt, tu parlais d'une très grosse boulamite. C'est quoi? Ben c'est une demande d'une auditrice, Stéphanie Sylvain Filion, qui est allée à la pêche dans ma tête et qui a sorti une barbotte parce que c'était assez cool. Je me souvenais vraiment, vraiment plus de ça. Elle m'a envoyé le lien YouTube pour voir le vidéo clip. Et puis, je me souvenais du clip. C'est le groupe français Ultra Orange avec la pièce Little Girl. C'est assez vieux. J'ai trouvé peu d'informations sur le groupe, sauf que ils ont sorti un album à la mi-2000 avec l'actrice Emmanuelle Seigné. Et puis, ils ont sorti un album avec elle, mais sinon, c'est assez nébuleux, leur carrière. La pièce est de 96, Little Girl. Et ça fait quand même longtemps. Moi aussi, quand je suis allé voir le clip, tu nous as parlé de ça, je suis allé voir le clip. Effectivement, ça me disait de quoi? Ça m'a rappelé des souvenirs, mais ça fait vraiment longtemps. Et c'est effectivement une bonne grosse boulamite. Ouais, c'était très, très loin dans ma mémoire. Alors, je félicite Stéphanie. Parfait. Ça m'a impressionné. Parfait. Fait qu'on écoute ça. Merci beaucoup, Alex. Ça fait plaisir. Fait qu'on te retrouve dans deux semaines. Oui, avec un spécial punk SK dans deux semaines. Je suis déjà prêt. Oh, ah. Parfait, ça. Ben, merci beaucoup. Merci. Salut Alex. Salut. Dans les rideaux pour que tout soit encore plus beau. Petite fille parle

Donc, on vient d'entendre Robin. Avec Rikes Up. Et c'était précédé de Ultra Orange avec la pièce Little Girls. Quel bon souvenir qu'Alex Delage nous rappelle toujours une fois aux deux semaines comme ça dans sa chronique Sortie des Boulamites. Donc, on le retrouve dans deux semaines, lundi, toujours à la même heure avec un spécial Punk et Ska la semaine prochaine. Dans deux semaines. Et on le remercie, évidemment, de sa présence très appréciée, comme tout le monde est apprécié ici à Assemblage Requillant. Maintenant, c'est le moment de parler des invités dans les talk shows, hein, les invités musicaux, parce que vous savez quoi, il y a des groupes assez alternatifs et qui nous touchent, qui sont près de nous dans ces talk shows américains, là, une fois de temps en temps, à part les K.D. Lang, là, qui va être à Jay Leno ce soir. Là. C'est un petit peu moins dans nos cordes. Aussi ce soir, à Carson Daly, ça c'est à 1h35 sur NBC, il y a Grizzly Bear. C'est une reprise, mais quand même, ça vous intéresse, Grizzly Bear, c'est très bon, on va en entendre tantôt d'ailleurs. Hein? Mardi, ensuite, est-ce que tu as vu Justin Bieber? Tu connais Justin Bieber? Non. Je peux pas croire, je peux jamais en ce cas. Mais c'est ça, je te l'ai dit parce que c'est pas très bon. OK. Il va être où? Il va être à David Letterman. Pour savoir où ne pas l'écouter. Hein? Je pense que c'est après son heure, son... C'est supposé être couché à cette heure-là, mais bon. Justin Bieber à David Letterman. Je vous conseille pas ça. Je vous conseille par contre à Jimmy Fallon ce soir, mardi soir, à minuit 35. C'est The Best Nerd Lakes. Hein? Ça aussi, on va l'entendre. Hein? Groupe montréalais, ça. Mm-hmm. Étonnamment. Aussi mardi, The Bird and the Bee, qui est à Ellen DeGeneres. Ça, c'est à plusieurs heures, dépendant de la station où vous l'écoutez. En premier, c'est diffusé l'avant-midi, ça. C'est ça. C'est ça. Mais c'est ça, il y en a qui passent l'après-midi, d'autres le soir, n'importe quand. C'est une émission en syndication qu'on appelle aux États-Unis. Ensuite de ça, mercredi, The Ravenettes à Carson Daly. Mm-hmm. Jeudi puis vendredi, il n'y a vraiment pas grand-chose de très, très intéressant, malheureusement. Et puis, SNL est en reprise. Et l'invité est Michael Bublé, donc déjà là, on peut le sauter lui aussi. Hein? Voilà pour les talk shows américains. On va l'entendre un petit peu de Grizzly Bear pour commencer, puis on suivra ça avec du Best Nerd Lakes, c'est ça? Bien ça? Oui, on va aussi entendre du Bird and the Bee quelque part là-dedans. Ah, ça va être un gros bloc ça, de talk show, mais c'est comme plus une excuse pour jouer de la musique, plus que juste pour parler des talk shows. Ben non, mais en même temps, tu vas les écouter de toute façon, ces émissions-là. Oui, et les chansons qui vont jouer juste là aussi. C'est même pas vrai. Non! Tu vas placoter là, par le jazz. Boire de l'eau. Ouais. Êtes-vous Assemblage Requis? Au 89 FM, c'est l'émission du retour en pièces détachées. I told you. Assemblage, Rocky, Kiwan, Mathieu, sur C'est fou, 89.1. So much. Sans t'avertir, sans même que tu aies le temps de te préparer puis de préparer des phrases drôles puis des jeux de mots poches pour pouvoir me battre dans mon propre jeu. Jamais je fais des jeux de mots en ondes. Non, ben c'est ça, en ondes. Quand t'en fais un, par contre, tu vas l'écrire sur Facebook pour dire « Je suis tombé fier de ma chotte ». Pourquoi tu m'attaques comme ça que je t'ai fait, là? C'est pas une attaque, c'est juste la vérité. Non. Parce qu'il se sent menacé parce que la première chose que t'as fait en entrant dans le studio, c'est un jeu de mots poche. Ouais. Donc là, tu sais, c'est comme une bataille de coq. Mais je suis contaminé, tu sais. Ouais, il est ouais, comme vraiment. La H1N1 du jeu de mots, lui. Ah! Ouais. Oh! Hey, si j'étais si vite sur mes patins, je pourrais quasiment trouver un jeu de mots pour aller avec ça. Hein? Ben écoute, moi, mon avis là-dessus, c'est que Mathieu, quand tu fais des jeux de mots, j'ai le goût de te planter. Hey, t'es carré. En tout cas, toi là, puis. J'ai du charme, c'est ça que tu veux dire? J'ai du charme. Il est malade. Malade, H1N1, on suit. C'est le moment où je vous laisse entre vous, là, puis je vais prendre une marche. Ou... Bon, c'est comme. Moi, Mathieu, si on s'y met, ça va être comme une orgie de jeux de mots. Ça sera pas. Ça sera pas nécessairement le fun pour les auditeurs. Non. Ça va laisser ni chaud ni cola. Ouais. Bon. Nico ni froid, ça aurait été bien mieux ça. Nico ni froid, calme. S'il a manqué. Écoute. Écoute. Quoi? T'es pas un apôtre du jeu de mots, hein? Ah, Mathieu. Mathieu l'apôtre, Ouais. Tu vois, toi, là, tes jeux de mots me font tellement chier, là, genre que Nicolas du Charmin. Charmin, comme. Cha-cha-cha, Charmin. Oh. Papier de toilette. Oh. On n'en fait pas avec Kiwan, par exemple. Hein? Ah, mais parce que son jeu de mots est tellement russe que c'est difficile de mettre un jeu de mots là-dessus. Tu sais, mais les Russes, de toute façon, n'ont pas de sens de le mot, c'est connu. C'est ils bien n'ont connu. Pas de droit. Donc, vous êtes mieux de ne pas faire de blagues parce que sinon, je trouverais vraiment pas ça drôle. Ils ont, ils ont-tu droit maintenant de rire les Russes depuis la chute du mur de Berlin ou c'est pas revenu? Ben, le mur de Berlin, ouais, Berlin en Russie, tu veux dire. Non, mais tu sais, ça a tout suivi, je veux dire. Le nom Biélorussie, le Berlin Russie. Le jour où le mur de Berlin a tombé, toute l'URSS a suivi. C'était comme un barrage qui s'ouvre, là. C'était comme une chute de domino. Oui, qui, ouais, exactement. Tombe ouais. Un après l'autre. Ou un château de cartes devant une fenêtre ouverte. Oui, effectivement. Ben non, mais moi, je peux pas trop vous parler de mes origines russes, là, parce que ça fait quand même 38 ans que j'habite plus là, donc les souvenirs sont quand même loin, là. Mais... T'as réussi, toi, dans le fond, t'as défecté. Oh, Charmin. T'as arrêté dans la merde, t'aurais pogné, hein? Déféqué mal. Ah, ouais, ça va. Bon, alors, Nicolas Ducharme, tu as une émission très intéressante demain matin. Eh oui, oui, je pensais que tu allais une toune, puis après ça, je faisais mon bout, mais ça allait gagner. Mais non. Vous m'énervez assez comme ça, je veux pas rester plus longtemps. Non, tu sais que ça finisse, ce segment-là. Oui, c'est ça. Donc, écoutez, demain, l'émission, on le sait, les Patriotes hockey se dirigent vers le championnat national de hockey sur glace, j'imagine, justement, ouais. qui va être disputé à partir de jeudi à Thunder Bay. Donc, l'équipe de. Prend l'avion de Québec demain soir et se dirige vers la magnifique cité qu'est Thunder Bay, là où le lac supérieur règne. Il y a toute autre chose à Thunder Bay, je sais pas. Le mur de Berlin, sûrement. Il s'est rendu jusque-là, le mur de Berlin. Ah, il est long. Quand il tombe, lui, là, hein, ça revole. T'es pas syndiqué, ceux qui faisaient ça au RSS? Ben, il l'était pas, c'est vrai. Il n'y a pas de syndicat, c'est un syndicat. En tout cas, fait que, donc, c'est ça, les Patriotes décollent. Ça s'en va à Thunder Bay. Ils vont affronter bon, des grosses équipes en tant que telles. On va voir l'Alberta dans leur pool. Ils vont affronter l'Alberta en partant et ils vont affronter Lakehead par la suite. J'espère juste que je n'ai pas inversé les deux matchs. Peu importe. C'est des gros défis pour eux. Surtout l'Alberta qui ont fini deuxième au Canada. Donc, va être très difficile. Par contre, on a une bonne équipe chez les Patriotes. Ça va être important de les encourager. Nous, on va parler amplement de ça demain à l'émission. En plus, ce qui se passe, c'est qu'il va y avoir un rassemblement ici même à la cafétéria de l'université à 1h. Les joueurs vont être présents à la cafétéria pour les gens qui veulent aller les encourager, donner une bonne poignée de main. On le sait, les foules au match des Patriotes, c'est pas excellent. C'est plate, je dirais bien match après match, mais c'est vraiment année après année. Si on a une moyenne de 300, ben on est heureux souvent. Donc, c'est le temps pour les étudiants qui, malheureusement, les fins de semaine, n'ont pas le temps d'aller, pas le temps ou sont pas dans la région, d'aller encourager les Patriotes, d'aller leur donner un bon petit coup de main et une petite tape dans le dos mais pour les pousser à aller chercher un peu d'entrée. Surtout après leur grosse victoire contre Western. Je sais pas si vous aviez vu ça. Perdait 4-2, restait une minute et demie. 30 secondes plus tard, c'était rendu 5-4 Patriotes. Donc, un des matchs les plus fous que j'ai vu de ma vie. Et il y a même un groupe Facebook, si vous voulez trouver ça. C'est « J'appuie Patriotes ». Écrivez « Patriotes QTR » sur Facebook, vous allez trouver ça. Groupe à l'appui à l'éclipse. Donc, ça commence c'est ce jeudi. Les matchs ont tout diffusé sur Internet. Cherchez SSN Canada. Les matchs ou sinon aller sur inconduitedepartie.com ou blog. Oui. J'ai fait un texte sur le match puis l'adresse est dans le bas de ce texte-là, donc SSN. Tous les matchs vont être disputés là. Les matchs du samedi et dimanche vont être diffusés sur les ondes de Sportsnet aussi, donc à la télé nationale. Donc ça va être très intéressant. Oui. Donc on parle de ça demain et les séries de hockey junior majeur qui commencent, le March Madness qui se continue, le tournoi de basketball et amplement d'autres sujets. Comme d'habitude, on a trop pour tout ce qu'on est capable de faire. Là, est-ce que tu peux nous faire une prédiction sur les résultats des Patriotes? J'hésite à la faire parce que les gars, s'ils m'écoutent, je pense honnêtement qu'Alberta a un club, une coche supérieure à tout le monde en tant que tel. McGill a un bon club, mais j'ai l'impression que ça va jouer parce que là, dans leur pool avec Lakehead et Alberta, je pense que ça va jouer entre les Patriotes et les Pandas. Les Golden Bears. Les Pandas, c'est l'équipe féminine de l'Université de l'Alberta. Donc, c'est sûr que Golden Bears, c'est ben trop masculin. Je comprends pas pourquoi. C'est quoi un ours or? Je comprends, McGill, c'est les Redmond, puis les femmes, c'est les Martlets, tu sais. Ce qui est martelet, j'imagine, un petit marteau. Peut-être, oui, un minuscule marteau. Ou un petit clou. Mais Golden Bears, je comprends pas. Là, pourquoi c'est avoir rapport avec chose, tu sais, le conque là, avec les bols de griot. Hein? Les ours. Puis la fille, elle s'appelait... Boucle d'or. C'est vraiment plus masculin, effectivement. T'as raison. Oui. Je parle de hockey, on s'arrache la tête, puis il arrive avec boucle d'or. Ouais. Un ours, ça arrache des têtes, même s'il est couleur or. Là. Oui. On a plus les ours qu'on avait avec Mathieu. Hein? C'est... Non, donc c'est ça, mais je pense que ça va se jouer entre les Patriotes et Alberta, savoir qui va en finale. Donc tu veux dire que Patriotes, l'Alberta albattra les Patriotes. C'est quand même, je l'aimais. Je trouve que tu as fait un bel effort là-dessus. Merci. Ça va être difficile pour les Patriotes. Oui. En même temps, eux, ils sont un peu sur la portée de leur dernière victoire. Exactement, qui? Key to the one? Oh yeah, yo! Faut pas se demander de questions, par contre, avec qui, hein? Ça fait qui, why? J'ai jamais entendu celle-là, de toute façon. Non, c'est nouveau. C'est pas original. Depuis que t'as immigré? Ouais, en 1972. Ouais, 72 avec... en tout cas, t'as la vie du kiwi, hein, les années 70, fin 60, début 70. On prenait dans ce temps-là. Mais c'est ça, ça en prenait. Donc... T'en buvais. Ben non, c'est ça. Qu'est-ce que je disais, là? Tu disais que les Patriotes et Alberta. Ça, Alberta, ça va être très difficile. Ça va se dérouler entre eux autres. À partir de là, en finale, c'est l'espace d'un match. En finale, ça peut se jouer. Je pense que n'importe qui pourrait remporter la finale en tant que telle. De l'autre côté, je pense fortement que McGill va sortir de là face à St. Mary's et face à Manitoba. Eux qui est le pool un peu plus facile, je dirais, en tant que tel parmi les deux. McGill devrait atteindre la finale. Parfait. Donc, si on veut plus de détails, ben c'est demain. Exactement. Demain, 9 à 11, comme d'habitude, chaque semaine. Et inconduitdeparti.com, si vous voulez booster mes stats. Oui, tes références Google, là, vont dépasser ceux du vrai site des Patriotes. Hein? As-tu des jeux de mots sur ton blog? Oh, j'ai déjà planté Michel Richard, ma part de tout ça. Pas non, de jeux de mots? Ben, j'ai le temps d'y penser. T'sais, à l'écrit, j'ai lu mes jeux de mots puis je fais « Ouais, j'aurais dû me faire mal. » Mais t'sais, ça, t'as le temps d'y penser deux fois puis de changer d'idée. Ouais, Backspacer. Backspacer, c'est ce que je m'en ai dit. Mais tu sais, moi, je suis anglophone. Hein, donc, ça veut dire c'est Nicolas Doucharme. Doucharme. Comme il y a douche dans ton nom, là, on s'appelle. Douche. Douchebag. Donc, c'est correct. Moi aussi, je me fais faire... J'imagine. Fougère. Que tu te fais doucher. Ouais. Et sous la douche, c'est pas beau à voir. Non, je m'en passerai. Donc, on rappelle aussi aux gens qui veulent aller dire au revoir aux Patriotes. Là. C'est à 1h demain à la cafétéria. Albert Tessier, je pense, c'est ici. Ouais, juste à côté ici. Ouais. La grosse cafétéria, là, c'est avec les chaises vertes. Là, les murs aussi sont verts. Ouais. Donc, allez dire au revoir à vos Patriotes. Au revoir bonne chance. Je suis en train de dire un jeu de mots. Vas-y. J'étais en train de dire. J'ai entendu tantôt. Ouais. Okay. On peut continuer à jaser. Je vais se pratiquer un peu. Okay. Allez dire au revoir à vos Patriotes avant qu'ils partent, Triotes. Hein? Tu prévois faire quoi, toi, cet été? Ben moi, je te dirais que je vais profiter du congé pour me refaire une santé mentale après deux sessions passées avec Mathieu. Un bon repos, bien mérité. C'est abrutissant, hein, à longue. Hein? On s'habitue pas. Ahurissant. Non, abrutissant. Ahurissant. On a trouvé une... Ça, c'était son meilleur, là. Tu vois, quand tu veux pas, c'est là que t'excelles. Donc, on a trouvé une petite pièce pour terminer ta magnifique intervention. Vous avez fait ça. Une petite pièce qui fit un peu dans le thème sportif, on trouve. OK, c'est quoi? Tu connais la formation OK Go? Ben oui, OK La Go. Chanson This Two Shall Pass, tu connais le vidéoclip avec les machines et tout ça? Ouais, j'ai vu ça, bien sûr. Ben avant ça, il avait fait une version avec le Marching Band, de Notre Dame. Notre Dame, les Fighting Irish. Donc les voici, hey, This Two Shall Pass, à Assemblage Rocky. Tu nous fais jouer ça, là? Le live, là. Ah ben OK Go! Ils sont... OK. À part la musique, ferme nos micros, là, on est assez fait. Money. petit peu de contexte pour vous. Cette pièce-là, This Too Shall Pass de OK Go, vous la connaissez peut-être pour le vidéoclip avec la machine Rube Goldberg, où il se passe plein de choses qui découlent de plein de choses. Mais ici, c'est la première version du vidéoclip qui était sortie sur YouTube en janvier 2010 avec des membres du Notre Dame Marching Band. Donc, c'était la première version. En fait, ils ont travaillé là-dessus pendant très, très longtemps. Ils voulaient le sortir après la version Rube Goldberg. Mais finalement, ils ont vu que ça prenait tellement de temps pour faire le truc Rube Goldberg. Ils ont décidé de sortir celui-là en premier, de le terminer et de mettre ça sur Internet. Mais c'est malheureux quand même qu'il ait choisi de faire ça sur la même pièce que l'autre vidéoclip. Comme ça, les deux auraient pu avoir du succès indépendamment. Mais là, c'est vraiment le truc Rube Goldberg qui l'emporte côté visibilité sur Internet. Mais en même temps, c'est la même pièce, mais c'est vraiment deux versions. C'est pas juste deux clips différents, c'est deux versions de la pièce différente. Il se passe aussi très, très beaucoup, beaucoup de choses dans ce vidéoclip-là. Allez voir sur YouTube le marching band qui se lève dans le gazon et tout ça. C'est magnifique et spectaculaire. Il y a des pancartes qui veillent de bord puis dans les gradins. On aime beaucoup ça. Très bon. Très, très bon. Voilà pour OK Go et voilà pour Assemblage requis pour aujourd'hui. On se retrouve demain à 15h avec une autre belle édition. Oui, on va avoir demain Émilie Gauthier qui va être ici, qui va nous parler de camping demain dans sa chronique plein air. Et on va aussi faire le tour des nouveautés CD comme à tous les mardis. C'est à 15h. Sinon, pour le reste de la soirée, soyez à l'écoute pour Donne-moi le goût à 17h. C'est CrowdRock qui va suivre à 18h. Le voyage de Célite à 19h. Et C'est au poil termine la soirée à partir de 22h. Manquez surtout pas Simon Fédubé avec On s'appelle et on déjeune demain matin. Et Nicolas, qu'on remercie à l'inconduite de partie à 9h demain. Donc, on remercie, c'est ça, Nicolas Ducharme. On remercie Alexandre Delage. On remercie Maxime Lemieux-Ramé. Vous d'avoir écouté. Toi, Kiwan, d'avoir été là. Moi aussi, j'étais là. Et puis, bonne soirée. On se laisse avec une pièce qui est en fait pas une demande spéciale, mais plus une dédicace. Ouais, une dédicace que je fais à mes amis de Drummondville qui sont ici ce soir, qui sont pas loin, là, je sais pas où, à Trois-Rivières. Bref, c'est une pièce qu'ils aiment beaucoup. Donc, c'est les Abdi Gradationnistes qu'on va écouter. Ça va vous donner un peu l'esprit, une petite idée sur mes fréquentations un peu douteuses. Ah ouais? On va écouter les Tatous. C'est comme ça qu'elle s'appelle. Tatou. Tatou. Que je te dise le nom de la pièce. Je sais pas. Y a-tu vraiment un nom sur cette pochette-là? Ouais, ouais, ouais. Pochette ils sont invisibles. Ils sont subtils, mais ils sont là. Oui, c'est Tatou. Ouais, Tatou. Juste Tatou. On écoute ça. Bon. Bye, à demain, Mathieu. Bonne soirée. Que c'est triste de gâcher une peau si lisse. Parce qu'avec un tatou, y'a de quoi que je reste mou. Burn them! Encore lisse. De mes têtes fourrées jadis. Maintenant quand je vois un trou, ben je m'assure qu'il n'y a pas de tatou. Bamba clot! Elle s'est assise, elle s'est assise, que tout ce qui sera raconté a déboulé. Une demoiselle qui m'a fait craquer, complètement explosée de la tête aux pieds. Tout s'est installé, on s'est embrassé, sur la danse sociale on s'est laissé aller. Je croyais devenir complètement cinglé, car tout sur mon corps était tellement bandé. Je veux pas voir un papillon, tu te dis d'attendre. Je veux pas voir un clown, collé sur ta nonne. Je veux pas voir un ange, posé sur tes hanches. Au-dessus de tes fesses, je veux pas voir un manifeste. Un tatou sur un ciel, mais je te l'ai. Même quand je viens de m'intéresser, c'était tes dessins. Un tatou sur un ciel, mais je te l'ai. J'aurais des grandes clés pour pouvoir les effacer. Un tatou sur un ciel, mais je te l'ai. C'est minable, tatou sur des petits seins. Un tatou sur un ciel, mais je te l'ai. Collé, ce que c'est triste, un tatou dans le vis. Gradaskinis, real tapata. Burn it up! Burn them and done them! Real tricks, rough dancehall music for my ladies tonight! Mais c'est rendu au lit que tout a dépéri. Quand j'ai pris en levrette, je devais en tabarouette. Mais qu'est-ce que c'est ça, cette marque-là? C'est aussi d'attitude que t'as tatoué là. Quand je t'enfile, je veux pas faire de bille. Au-dessus de tes fesses, je veux pas voir un manifeste. Planté dans ton cul, je m'en crie sur pas. Ton esthétique de celtique de signes chinois. Quand je te fous, moi, ben je veux avoir la paix. Quand je te rame, moi. J'écoute ton tatou scam, que je te pile, moi. Ton tatou c'est de la morphine. Au-dessus de ton as, moi j'écoute que ça soit casse. Un tatou sur un ciel, mais je te l'ai. Même quand je viens de m'intéresser, c'était tes dessins. Un tatou sur un ciel, mais je te l'ai. J'aurai des grandes giclées pour pouvoir les effacer. Un tatou sur un ciel, mais je te l'ai. C'est minable, tatou sur des petits seins. Un tatou sur un ciel, mais je te l'ai. Quand est-ce que c'est triste, un tatou dans le vis. Burn Babylon, burn them all. Burn it up, burn it up. Burn them, burn them, tabarnak. Que c'est triste de gâcher une peau si lisse. Parce qu'avec un tatou, y'a de quoi que je reste mou. Burn them. Encore lisse de mes têtes fourrées jadis. Maintenant quand je vois un trou, ben je m'assure qu'y'a pas de tatou. Bamba clot. Un tatou sur une cible, je te l'ai. Même quand j'ai ma tête, c'est tes dessins. Un tatou sur une cible, je te l'ai. Pour pouvoir les effacer. Un tatou sur une cible. Maintenant quand je vois un trou, ben je m'assure qu'il n'y a pas de tatou.